Ce même jour, vers 4 heures de l'après-midi, Jean Valjean était assis seul sur le revers de l'un des talus les plus solitaires du Champ de Mars. Il avait sa veste d'ouvrier et un pantalon de toile grise et sa casquette à longue visière lui cachait le visage. Un jour, en se promenant sur le boulevard, il avait aperçu Thénardier. Grâce à son déguisement, Thénardier ne l'avait point reconnu. Mais depuis lors, Jean Valjean l'avait revu plusieurs fois. Il avait maintenant la certitude que Thénardier rôdait dans le quartier. Ceci avait suffi pour lui faire prendre un grand parti. En outre, Paris n'était pas tranquille. Les troubles politiques offraient cet inconvénient pour quiconque avait quelque chose à cacher dans sa vie, que la police était devenue très inquiète et très ombrageuse. Enfin, le matin de ce même jour, en promenant dans le jardin, il avait aperçu tout à coup cette ligne gravée sur la muraille. 16, rue de la Verrerie. Tout cela considéré pesé, Jean Valjean s'était décidé à passer en Angleterre. Au milieu de ses préoccupations, il s'aperçut que quelqu'un venait de s'arrêter sur la crête du talus, immédiatement derrière lui. Un papier plié en quatre tomba sur ses genoux. Il lut « Déménager ». Jean Valjean se leva vivement et aperçut une espèce d'être plus grand qu'un enfant, plus petit qu'un homme, vêtu d'une blouse grise et d'un pantalon de velours de coton couleur poussière qui enjambait le parapet et se laissait glisser dans le fossé du Champ de Mars. Marius était parti désolé de chez M. Gillenormand. Il se mit à marcher dans les rues. Toute la journée, il rôda, sans savoir où. À la nuit tombante, à 9 heures précises, comme il avait promis à Cosette, il était rue Plumet. Personne dans le jardin, personne à la maison. Puisque Cosette était partie, il n'avait plus qu'à mourir. Tout à coup, il entendit une voix qui paraissait venir de la rue et qui criait à travers les arbres. « Monsieur Marius, vos amis vous attendent à la barricade de la rue de la Chanvrerie. » Cette voix ressemblait à la voix enrouée et rude d'Éponine. C'était une insurrection. Sur les quais, sur les boulevards, dans le Pays Latin, dans le quartier des Halles, des hommes haletants, ouvriers, étudiants, sectionnaires, lisaient des proclamations, criaient « aux armes !» Brisaient les réverbères, dételaient les voitures, dépavaient les rues, enfonçaient les portes et les maisons, déracinaient les arbres, fouillaient les caves, roulaient des tonneaux, entassaient pavés, moellons, meubles, planches, faisaient des barricades. On forçait les bourgeois d'y aider. Le tiers de Paris était à l'émeute. Les gardes nationaux s'habillaient et s'armaient en hâte. Et les gardes nationales de la banlieue accouraient aussi en hâte et en désordre. Mais la solitude se faisait aux Tuileries. Le roi Louis-Philippe était plein de sérénité. Depuis 2 ans, Paris avait vu plus d'une insurrection. Cette fois cependant, dans la prise d'armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu'elle. Le soir vint. Les théâtres n'ouvrirent pas. Les patrouilles circulaient d'un air irrité. On fouillait les passants. On arrêtait les suspects. L'anxiété était partout et un certain tremblement, peu habituel à Paris.